Enfants de tout pays, bonjour! Vous êtes bien sur Radio Fadjet Nancy 94.2. Xavier à la technique, Kazé en votre compagnie, pour vous présenter Patchwork numéro 57 à l'écoute des musiques du monde. La programmation de ce jour comprend du zouk antillais, c'est une tradition. Un voyage musical en Guadeloupe. Trois coups de chapeau, une promenade autour du mot espoir. Place au zouk. Il nous a quittés il y a un certain temps, mais il avait marqué la musique guadeloupéenne. Il occupe toujours une place de choix dans l'histoire du zouk rétro. Caramel, Gilles, Floro. Sur la Guadeloupe. Première remarque, il s'agit d'un archipel situé dans la Caraïbe et se composant de plusieurs îles. Une grande île en forme de papillon avec la Grande Terre et la Basse Terre, mais il y a aussi Marie-Galante, la Désirade, les Saintes et de petites îlets. C'est la Basse Terre qui historiquement était nommée Karukera par la population amérindienne qui s'y trouvait. On trouve encore cette référence actuellement et même sur certains t-shirts. La Grande Terre était nommée, quant à elle, Sibukera en langue caraïbe. C'est à Christophe Colomb que l'on doit le nom de Guadeloupe en référence à la Vierge protectrice des navigateurs de Notre-Dame de Guadeloupe. L'histoire de ces territoires est complexe. L'île connut plusieurs dominations et occupations. Elle connut la colonisation française, l'esclavage et l'arrivée de populations très différentes dans des contextes pluriels, populations africaines, européennes, indiennes, asiatiques, syriennes. Ce qui explique sur le long terme le grand métissage qui a pu avoir lieu. D'un point de vue administratif, il s'agit actuellement d'une région monodépartementale de l'outre-mer français. Son code départemental est le 971 et la Guadeloupe est membre de l'Organisation des États de la Caraïbe orientale. Population, 200 000 habitants sur la Grande Terre, presque 200 000 habitants sur la Basse Terre. Plus de 10 000 habitants à Marie-Galante, 1 700 habitants à Terre-de-Haut, 1 500 habitants à la Désirade, un peu plus de 1 000 habitants à Terre-de-Bas. Villes importantes, Pointe-à-Pitre, plus de 200 000 habitants, Basse-Terre, 50 000 habitants, Capesterre-Belleau, 27 000 habitants, Sainte-Rose, 20 000 habitants. Quel paysage peut-on y observer ? En quelques dizaines de kilomètres, il est possible de passer de la Basse-Terre, son relief montagneux, le volcan de la Soufrière, sa forêt tropicale, ses cascades à la Grande-Terre avec sa mangrove, ses mornes et ses stations balnéaires. Plages magnifiques, cascades, rivières, sources thermales, eau chaude comme à bouillante, bains sulfureux à Sainte-Rose. Cadence à pays là, soft! Là, yo pa me peuple là. En vérité, yo pa senti cadence à pays là. Yo pa ve sainte loi, yo pa ve mansel louia. En vérité, yo pa aimé lo kan sa pays là. Les souffriers, yo pa kan dormi. On vous comment y kambouille. N'importe qui joue fort sa pète. C'est lui qui a chaillé moi. C'est lui qui a brûlé moi. C'est lui qui a mené nous plus haut. Plus haut. Pardon maman, pardon papa. Nous pas de pays là. Si l'eau vini ancienne. Faiblesse ma gaye pour encore un ouvre. Et pas gaye ni mélancolie. Et n'importe qui philosophie. L'envoi payant nous que l'éve. Tambi, tambi, tam, tambou que roule. Mon pays n'a pas ni pour rêve. J'ai l'espérance nous mettre sans rêve. Mais toi pour qui ka ralenti ka dans sa pays là. C'est cette vie, c'est noir, c'est rêve. Chante paroles mal élevées. C'est nous-mêmes qui a menacé ici ka pays là. Mais souffrier pas qu'à dormir. Pour vous comme y ka mourir. N'importe qui joue fort sa pété. Souffrance à pays là. C'est lui qui a chaillé moi. C'est ça qui a brûlé moi. C'est lui qui a mené nous plus haut. Plus haut. Pardon maman, pardon papa. Nous pas bébé, il a vu ça. Si l'eau vini ancienne. Faiblesse pas gagne pour encore un nouveau. Mais pas gagne ni mélancolie. Et n'importe qui philosophie. L'homme est payant nous que l'élevé. Tambi, tambi, tam, tam, tam, que roule. bat ki jou fa sa pete, sou fa sa pete la. Se li ka chaye mou, se sa ka brile mou, se li ka bagay pou kon nou oy me bagay ni melankoli n'importe ki filozofi tande tambou la ka leve tambi tambi tam tambou ke roule kay ka dans sa peyi la kay ka dans sa peyi la kay ka dans sa peyi la. D'un point de vue économique, la Guadeloupe se caractérise par un taux de chômage important et une production agricole en crise, alors qu'historiquement, la canne à sucre et la banane étaient le cœur de l'agriculture et de l'économie locale. Pour autant, la situation de la Guadeloupe reste une des plus stables de la Caraïbe, notamment grâce au succès du tourisme. Parmi les nombreux événements organisés localement, notamment dans le sport, citons le Tour cycliste international de Guadeloupe. Tour international depuis 1979, cette compétition est particulièrement suivie en Guadeloupe. Autre événement à ne pas rater, le carnaval qui a lieu pendant plusieurs semaines en début d'année avant les restrictions du carême. Musique, danse, déguisement, spectacle sont alors au rendez-vous. Écoutons maintenant le groupe créé à l'origine par Robert Ouamou, Edmonie Crater et Georges Troupé. Guacassonné, W3. Les enfants, moi c'est copier, pas ça, là, moi allez. allez. Oui, oui, oui. Oui, oui, oui. Passable la moi aller. Moi toujours emmerdé. Ça fait pas qu'à marcher. Madame l'a enragé. Dit qu'on chante la meilleure. Qu'est-ce qu'elle va qu'arriver. Sans livrer, sans cahier. Enfants moins écoliers. Malheureux qu'à pleurer. Bonjour, ça qui est changé. Et pour la augmenter. Que manger en Guadeloupe? Tout d'abord, il faut manger local à base de bananes plantain, le fruit à pain, le gombo, les points d'angole, l'igname, la patate douce, le madère. On trouve d'innombrables fruits, le corossol, la mangue, le maracuja, les quenettes, la noix de coco. La mer et les rivières sont aussi une source non négligeable pour s'alimenter. Une grande variété de poissons, du chatou, des crevettes, du lambi, du burgot. Pour les plats traditionnels, citons le blaf avec du poisson dans un bouillon, les dombrés, des petites boules de farine mélangées avec des crevettes par exemple et avec des haricots rouges, le bébélé, le colombo de poulet, le calalou. On peut également parler du boudin créole, des acras, de la cassave et surtout du dankit et les bokits, le sandwich local. Ah, les bokits de Sainte-Anne. Dans les desserts, il y a le tournant d'amour, le sika coco, le sorbet coco et le cinnoball et beaucoup d'autres choses. Que boire? Des jus de fruits, des sodas très sucrés. On trouve en Guadeloupe beaucoup de vendeurs le long des routes vendant du jus de canne à sucre et de l'eau de coco. Il faut parler aussi du chodo qui accompagne souvent les gâteaux lors des mariages, baptêmes, communions et fêtes familiales. Et il y a aussi du café local également. Pour les adultes, comment ne pas parler du rhum? Le rhum et sa consommation font structurellement partie de la culture et de la société guadeloupéenne. Il existe encore plusieurs distilleries sur le territoire produisant les rhums de Guadeloupe, parmi lesquelles le rhum Biel, le rhum Bologne et le rhum Damoiseau. Une pensée ici pour le cousin Paul, grand artisan de rhum arrangé et qui fait, d'après les adultes autour de moi, le meilleur des schrobs de la Noël. Zagala Kateleman, les rapaces! Zagala Kateleman! C'est quand t'as gâté les mains, en beaucoup de rhum. C'est quand t'as gâté les mains, en fouille à paix. C'est quand t'as gâté les mains, en saut piment. C'est quand t'as gâté les mains, en bon poisson. C'est quand t'as gâté les mains, en saut citron. Tout ça mêlé en bon piment. Manger créole, en bon tout rhum, en fouille à pain, en bon poisson. C'est qu'à la gâter les mains, c'est ça mêlé. C'est qu'à la gâter les mains, c'est la trancole. C'est qu'à la gâter les mains, on s'avocat. Thank you. voir en Guadeloupe. Le marché central de Pointe-à-Pitre ainsi que la place de la Victoire et à proximité la fresque murale en hommage aux victimes de mai 1967 réalisée par le plasticien guadeloupéen Philippe Laurent. Pas très loin, le Memorial Art, inauguré le 10 mai 2015 et qui aborde la problématique de la traite négrière et de l'esclavage dans le contexte mondial et particulièrement dans le contexte guadeloupéen. Il y a également à Pointe-à-Pitre le musée des costumes créoles, dit musée Saint-John-Perse. Outre les nombreux musées que l'on peut trouver à la Pointe, il y a également le musée Edgar Claire, au Moule, l'écomusée des arts et traditions populaires installé dans l'ancienne habitation Murat au Grand Bourg Marie-Galante. L'aquarium de Guadeloupe au Gosier, l'ancienne habitation agricole Zévalos au Moule. On peut aussi se rendre à la Pointe des Châteaux, aux chutes du Carbet et monter en haut de la Soufrière. Le groupe de hard blues créole Delgrès tire son nom de la figure anti-esclavagiste Louis Delgrès. Ce groupe a été nominé récemment aux Victoires de la musique. Mon jeudi, Delgrès! Mon préféré, mon jeudi. Moi j'avais ses sangs en moins. Comment parler de musique et de culture en Guadeloupe sans évoquer le gwoka? Le gwoka est un genre musical joué avec des tambours, des ka. Musique née durant l'esclavage, le gwoka tire ses origines de la musique africaine. Parmi les groupes les plus emblématiques, citons le groupe Akio, qui est à la fois un groupe de musique et un mouvement culturel engagé qui a pris part à différents mouvements sociaux locaux. On écoute un titre très connu qui rythme généralement la période du carnaval en février. Son là, c'est son un guadeloupéen. Laola Kae Konsa, Akio. Bayo, bayo, massa, on go, bayo. Yeah. qu'à parler de gros cas, passons maintenant à un titre joué lors du concert mémorable de Kassav au Stade de France 2009. Il s'agit du medley gros cas, Laguez-moi avec Kassav et Tania Saint-Val. Kassav, un des groupes les plus connus de la Guadeloupe avec notamment la très belle voix de Jocelyne Béroir. En métropole, on se rappelle de Zouk, là c'est seul médicament nouni. Littéralement, le Zouk c'est le seul médicament que nous ayons. Mais Kassav, c'est plus de 15 albums en groupe et des dizaines d'albums solo pour les membres du groupe. Pour l'anecdote, Kassav renvoie au mot Kassav qui en créole désigne une galette de manioc. Vous pouvez en acheter à la Kassaverie. Allez, on écoute Maud les gros cas, Laguez-moi, Kassav et Tania Saint-Val. Un titre très populaire chez les Guadeloupéens dans les années 1970. Les Aiglons, cuisse-la! Oui, piti, piti! Oui, sa lapin, pepe, puis sa racoon, coucoun, puis sa femme, puis sa femme, puis sa femme, puis sa femme, puis sa femme, puis sa femme. Mais moi en cas parler, c'est moi qui a dit ça. Moi Michel Nerfla, moi ça sort aimé ça. Sort qui a adoré ça. Tous les hommes ont aimé ça. Mais oui, ils ont aimé cuisse. Puis sa poule, puis sa canard, puis sa condenne, puis sa couric, puis sa mouton, puis sa cochon, puis sa lapin. Puis sa raccoon, puis sa femme, puis sa femme, puis sa femme, puis sa femme, puis sa femme, puis sa femme. de chapeau consacré à l'incontournable admiralty Christy Campbell. Née en 1981 aux Abîmes, auteur de nombreux hits dans lesquels il rend hommage à son île natale. Tourné au lycée général et technologique Bainbridge aux Abîmes, le clip du morceau Bainbridge a été un des plus grands hits d'Admiralty ces dernières années. Bainbridge, Admiralty avec Yervana. Danse Simona ka l'école la Bainbridge, Bainbridge, Bainbridge. Yo ka di mama, yo ka fè dactylo, Bainbridge, Bainbridge. Maman, je tape à la machine, Bainbridge, Bainbridge. Maman, je tape à la machine, Bainbridge, Bainbridge. Danse Simona ka l'école la Bainbridge, Bainbridge, Bainbridge. Danse Simona ka l'école la Bainbridge, Bainbridge, Bainbridge. Yo ka di mama, yo ka fè dactylo. Et puis papa mal tête, tête. Eh ben si j'en parle, mais c'est yon ouai. Ben bricho, mi mi mi la saka bay. Yon tout, mi sa godo, mais ça va pas l'école yoka yoka. Ni pas l'en pas l'en, ni pas l'en pas l'en. Pendant c'est Simona, qu'elle l'école la ben bricho. Ben bricho, ben bricho. Pendant c'est Simona, qu'elle l'école la ben bricho. Ben bricho, ben bricho. Yo ka di maman, yo ka fè d'axilo. Ben bricho, ben bricho. Maman, je tape à la machine. Yo fwe ka fe vise pi Pierre Paul Jacques. A la jay ti fila chokou mouda a man Jacques. Si WhatsApp yo fwe ka fe vise pi Pierre Paul Jacques. Poutan se l'école maman y voye l'école. Pendant se Simona ka l'école la ben bricho. Ben bricho, ben bricho. Pendant se Simona ka l'école la ben bricho. Ben bricho, ben bricho. Yo ka di maman yo ka fe dactylo. Je ne se fasse pas bon gaga gaga. Si on est whiny, whiny, habillé et sexy. 9 mois après votre lago qu'on rêve au bag, bag, bag, bag. Eh ben si j'en parle, mais c'est yon ouai. Ben bricho, mi mi mi la saka ba. Yo tout, ni sa godo, mais ça va pas l'école yoka yoka. Ni pas l'en pas l'en, ni pas l'en pas l'en. C'est sorti cette année, il s'agit d'un titre intitulé Chaka Teterat. On connaissait d'autres versions comme celle de Robert Loison. Ici, dans le morceau d'Admiralty, vous pouvez reconnaître la voix inimitable de Jacob Desvarieux. Chaka Teterat, Admiralty et Jacob Desvarieux. En ouai. Admiralty, ça va m'a sorti. Cacamos, cacamos. Avant de monter comme ça, donc t'es pas jeune là, entre nous c'est la guerre. très fatigué. J'apprends deux ou trois coups. Ouais, allez coucher. Samy, endormi, endormi, endormi, endormi. Le clip du titre Fossa Paella nous rappelle combien les Antilles sont riches de nombreux talents anonymes ou connus. Fossa Paella, Admiralty et Kassav. Regardez les gens s'appellent, nous toutes la rassemble. Mais tel c'est un tel, un tel, pas un tel, mais nous toutes la rassemble. Peu importe quel jour, peu importe la sortie, nous voilà français. Y'a c'est l'esprit jaune, nous toutes la feuille. I say yeah, yeah, yeah, oh yeah. Regardez les gens nous qu'avancer ensemble. Pas d'avoir nous qu'à feuille. Pas ni bon mot, t'es qui te prend pas. Yeah, yeah, yeah, oh yeah. Regardez les gens nous qu'avancer ensemble. Pas d'avoir nous qu'à feuille. Pas ni des mots, t'es qui te prend pas. A peu vous qu'est-ce que dis-moi non. On a quoi à l'unisson, nous tous, nous c'est pas ça pays là. A pas vous qu'est-ce que moi non. A pas moi qui brûle ça. On a quoi à l'unisson, nous tous, nous c'est pas ça pays là. Faut ça pays là. Faut ça pays là. Faut ça pays là. Faut ça pays là. Moi dis où faut ça pays là. Faut ça pays là, nous tous, nous c'est pas ça pays là. C'est nous pas que nous caler, mais dans la main nous qu'à avancer. Montez la catoune bien donc nous peut pas caler, ça caler, bien. Quand nous allons, voisin, voisin, cousin, cousin, frère, ses amis, les fêtes des mains, y'a ça, des bouches de tête, y'a ça, t'as des beignets qui l'a laissé, mettons d'autres frères, des autres, pour ça nous aimer ça, j'en dis c'est y'en a là, chalala, qu'à monter, laissez mes éclats, y'a ça, y'a ça, quand nous allons, même pas pour cala, quand nous allons, mon belia, Haïti, qu'on croit, quand dans ce soca, mais rien de celle ça, est-ce que tout le monde là, quand nous allons, même pas pour cala, quand nous allons, d'un mot, ici le mot espoir. Prenons ce mot dans une chanson guadeloupéenne. Dans les années 1970, plusieurs groupes adoptent des noms liés à des animaux. Les léopards, les jaguars, les aiglons. On écoute les rapaces de la Guadeloupe, espoir. Les rapaces sont formés à la Guadeloupe. Nous venons pour cimer la gaieté. C'est l'espoir qui fait nous persévérer. Jeudi jour nous qu'à cogner musique. Dans la vie ou pas d'ouest désespéré. qu'on va jamais faire difficulté. Patience et puis courage, t'es vesti pour nous. C'est pour vous, non qu'à jouer doudou. Tout le monde qui vient chômer, tout le monde qui vient rimer, tout le monde qui vient sauter, tout le monde qui vient danser. Tout le monde qui vient rimer, tout le monde qui vient sauter. De l'album Sur mes gardes, un peu d'espoir, Joyce Jonathan. Un peu de gris dans le ciel, un peu de gris en nous, plus de bonnes nouvelles qui viennent enfin nous mettre debout, plus le temps de sourire, la fatigue prend le devant. Les crises de rire appartiennent à un autre temps. Les années filent, filent, filent, nous laissent seuls démunis. La maison, elle, elle se vide et les parents sont plus d'ici. Mais allez, un peu d'espoir, ce n'est pas fini. La vie commence peut-être tard, mais n'est pas tombée dans l'oubli. Plus d'intérêt, plus d'effort pour un plus grand départ, parce que cet inconfort là, il nous met en retard pour plus tard, pour plus tard. Nuance de couleur vient éclairer nos vies. Adieu les pleurs, ce temps-là fini, on sourit. Maintenant du courage, de la force pour se maintenir. Une rechute, vite, il faut se ressaisir. Puisque les années filent et filent et filent et filent, nous laissent seuls ou démunis. La maison, elle, elle se vide et les parents sont plus d'ici. Mais allez, un peu d'espoir, ce n'est pas fini. La vie commence peut-être pas tomber dans l'oubli. Plus d'intérêt, plus d'effort pour un plus grand départ, parce que cet inconfort là, il nous met en retard pour plus tard, pour plus tard, pour plus tard. Mais allez,